Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Je m'en souviens déjà tout petit, t'étais là, t'étais un amour, ouais grand-mère, tu me manques. Aujourd'hui, au-delà, le disciple, au-delà, je te vois, je prends des risques. Je me blesse, je suis triste, car c'est dur et si bas. Y'en a qui je déçus et d'autres qui me déçoivent. Moi, mon cœur est pourri, car la vie m'a détruit, l'amitié m'a sali, à cet amour qui m'a trahi. À jamais, je te remange, maman, il est trop tard maintenant. Mais peut-être, je vous ai, je vous aime, je vous. Y'a un qui va grandir, être un homme dans la vie, faire des choix, un empire, mais que dire de son nom. Toujours rivé de minuit, émotion dans mes actes. Mes yeux dévoilés, ma parole censurée, mes oreilles ont bougé, comprends-moi, j'en ai marre. Cœur que je vous écris. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Dommage, maman.